pris, je m'en vole ailleurs. Je m'en vole ailleurs. Je m'en vole ailleurs. Je m'en vole ailleurs. Je m'en vole ailleurs. Je m'en vole ailleurs. Je m'en vole ailleurs. Ailleurs, ailleurs. Je fly, suis-moi dans mes bails si tu veux planer. Crier, oublie tes problèmes et laisse-toi aller. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole ailleurs. Je m'envole. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sur la piste, elle est fraîche, déterre. Elle s'en fout de tout ce que les gens disent. Si tu l'approches, elle te traumatise. Quand elle whine sans compas, ah, laisse tomber, je vais pas te mentir. Dès que je t'ai vu, j'ai su que j'allais devant me repentir. Et je suis plus que jamais. Comment te dire, je vais pas faire le tour de la terre. Suis-moi dans mon trip. Je m'avale ailleurs. Merci de démarrer la journée avec Fun Radio les amis. Il est 6h et vous écoutez Summer Fun. Welcome. Fun. Fun Radio. Et à 6h sur Fun Radio, on démarre la journée avec une bonne dose d'infos signée Florence Vallot. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Une partie de la gare d'Anvers Centrale a été fermée pendant plus d'une heure hier soir. Un paquet suspect a été détecté. Les services de déminage se sont rendus sur place. Bonne nouvelle, quelques minutes plus tard, il s'agissait en réalité d'une valise oubliée par un voyageur. Des oublis qui font peur dans le contexte actuel. Vers 18h30, la gare a pu être rouverte aux voyageurs en toute sécurité. À l'étranger, Donald Trump continue de se faire des ennemis et ce, au sein même de son propre parti. De nouveaux élus républicains ont annoncé qu'ils ne voteraient pas pour leur candidat à l'élection présidentielle. Ils ne souhaitent pas le voir à la tête du pays car sa virulence et son manque d'expérience politique mettraient le pays en danger. Les nouveaux dissidents apportent donc leur soutien à l'ancienne première dame et candidate démocrate Hillary Clinton. Un Syrien a été arrêté en Allemagne vendredi dernier. L'homme est soupçonné de faire partie du groupe djihadiste de l'État islamiste. Selon le ministère allemand, une attaque aurait été en préparation. Elle devait avoir lieu lors du début de la Bundesliga. L'homme a été interpellé et placé en détention provisoire. Des photos et vidéos de l'État islamiste ont été retrouvées dans le téléphone du suspect. En sport, bonne nouvelle, David Goffin se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi olympique. Il a battu en 2-7 l'Israélien Seta sur le score de 6-3, 6-3. Le Belge continue son bon parcours aux Jeux Olympiques. De ce côté, Kirsten Flipkens n'a pas fait le poids face à l'Allemande Sigmund. Elle a été battue 6-4, 6-4 en livrant son moins bon match de tournoi. Une belle prestation néanmoins de la part de la Belge qui a tout de même sorti l'ancienne numéro 1 mondiale Venus Williams. Le double belge a lui aussi été éliminé par la paire espagnole. Wickmeyer et Flipkens n'ont pourtant pas démérité. Elle

C'est aussi l'anniversaire de Antonio Banderas qui lui a joué dans The 33 ou encore Le Masque de Zorro. Ah oui, je me rappelle. Et puis l'anniversaire de Rosanna Arquette qui a joué dans le célèbre film Pulp Fiction. Un bon anniversaire à vous les amis. Et puis si vous avez envie de passer à l'antenne ici et de souhaiter un bon anniversaire à votre pote, comment ça se passe? Il vous suffit d'envoyer anniversaire par SMS au 3044 et je vous recontacterai juste derrière. Dans quelques instants, c'est Stack Noël et Sean Paul qui arrivent. On aura également Kungs et This Girl. Juste avant ce plaisir, voici Sigala et Give Me Your Love sur Fun 6h06. Soyez les bienvenus. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Better be ready when we get alone. She was talking, cut button up on the telephone. J'espère que tout se passe bien pour vous qui êtes de l'autre côté de la radio. 6h12, dans quelques petites secondes, c'est Kong, c'est Easy Girl que je vous balance sur Fun. Coralie, on a un cadeau exceptionnel, un cadeau 2 en 1 à vous offrir aujourd'hui. On vous offre votre PC Acer One 10. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un PC qui est convertible en tablette. Alors le principe de base, vous avez votre PC, votre écran avec votre clavier. Et dès que vous en avez envie, vous pouvez tout simplement détacher l'écran du clavier et pouvoir plus simplement transporter l'écran tactile. Pour aller partout avec, dans la simplement. Maison, c'est ça. Pour voyager, ou pour vous, dans votre lit, dans votre salon ou encore pour vos enfants. Donc si jamais vous souhaitez remporter ce PC convertible, vous pouvez envoyer dès maintenant PC par SMS au 6322. C'est 1€. Message. Et puis franchement, nous on l'a vu, ce PC 2 en 1, il est déjà très très beau. Ah, oui. Et puis c'est vrai que ça peut être vachement utile hein, parce que tu peux le transporter pour aller eh bien, en train, va chez les amis, le prendre avec toi partout. Pour le tenter de le remporter, vous envoyez PC par SMS au 6322 pour 1€ le message. Et nous on vous rappelle tout à l'heure aux alentours de 9h15. Bonne chance, Kungs, Tease Girl, c'est ce que je vous cale maintenant à 6h13. Bon réveil sur Fun Radio. C'est la matinée ensemble sur Fun Radio en mode dancefloor avec dans quelques petites secondes le duo Zach Noël et Sean Paul Trumpets, c'est ce qui arrive côté son dancefloor. Ouais, et ça arrive juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et Coralie, comme chaque jour, tu as consulté les astres pour nous. On commence avec nos amis les béliers. Allez dans le sens de vos intérêts pour gagner plus d'argent ou pour vos associés plus intelligemment. Les taureaux. La positive attitude est dans votre tête. Les gémeaux. C'est le moment de prendre la parole, oser le tout pour le tout. On enchaîne sur les cancers. Vous n'y allez pas par quatre chemins, de quoi largement passer pour un casse-pied. Les lions. Faites-vous plaisir sans avoir à rougir. Vivez pour vous, ne faites pas attention au reste. Les vierges, Coralie. Ne vous prenez pas la tête avec de nouveaux tracas, pensez à tout ce qui va. Les balances. Trop de précipitation, d'impulsivité et d'émotions mal gérées. Allez, on continue sur les scorpions. Beaucoup de convictions pour un mercredi plein d'émotions. Les sagittaires. À défaut de grands sentiments, tentez le divertissement. Les capricornes. Un peu rebelles, expliquez aux autres ce qui doit être modifié, mais ne faites pas la révolution pour autant. Les verseaux. Un besoin de vibrer, de nouveauté et de vous amuser grâce à l'accord Lune, Mercure et Uranus. Uranus, tout peut arriver. Uranus, ça peut être sympa aussi. Et les poissons. Oui. Déterrez les promesses de votre tandem et croyez-y dur comme fer. Merci Coralie, vous reconnaissez notre horoscope, vous avez envie d'interagir avec nous, comment ça se passe? Il vous suffit de réagir par SMS au 3044 et 50 centimes par message ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Envoyez-nous les messages, likez-la. Venez nous rejoindre. Et ça peut être franchement sympa. Dans quelques secondes, c'est Sean Paul et Sac Noël qui arrivent pour leur titre 30 pages. Je sais pas si vous écoutez, mais si vous faites, vous tendez un peu l'oreille, vous allez entendre des cris de singe dans le titre. C'est quand même plutôt sympa d'ailleurs. Sean Paul qui prépare plein de nouvelles collaborations. Je vous en parle juste après Trumpet sur Fun. 6h18. C'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme the head to the floor, girl. Gimme the bend over, girl. And gimme the spit down to the ground. Seismic activity. Spin round me, girl. And gimme the top wine, girl. And gimme the body look fine, girl. Gimme the coming out. Waste some time, girl. Gimme the body look good, girl. You ever be winning it. Turn it up right, girl. You never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Le meilleur du Sound Dance Floor continue en quelques secondes avec les Major Lazer et leur titre Boom. Mais on ne reste pas là, on a également le DJ belge Alex Jarmis qui arrive dans quelques petites secondes. Avec son titre Sweet Afterglow, juste avant Coralie, on parle des barbes, des moustaches aujourd'hui, des barbes, parce que je sais pas, hier j'ai eu une petite envie comme ça, je me suis dit, et si je me laissais pousser la moustache? Oh non. Ça pourrait être sympa, oh non, non. Non, non, non. T'aimes non, pas du tout? Non, non, non. La petite chose très poilue qu'on a en dessous du nez comme ça? Oublie. Mais directement. Non, non, ça me... non, je sais pas, moi je trouve ça super sexy, puis tu peux jouer un petit peu avec, tu peux, je sais pas, non. La mettre dans tous les sens. C'est pas sexy du tout. Et la barbe? T'es pour? Ah, middle, c'est pas non. Pourtant, c'est un peu la mode du moment. C'est la mode 2015-2016, c'est avoir une petite barbe comme ça qui fait un peu. Toi, tu laisses ta barbe deux jours pour faire un petit peu délaissé, mais ça fait l'homme sexy et viril qui passe dans le coin. Sauf qu'il y en a qui la laissent deux jours et il y en a d'autres qui la laissent trois semaines en fait, tu vois. Oui, ça, c'est un peu abusé parfois. À un moment, il faut choisir. Et en ce moment, c'est plus la mode des trois semaines que des deux jours. Mais ça dépend parce que si dans les trois semaines, tu la tombes pour l'entretenir un petit peu. La plupart des gens ne l'entretiennent pas. Ah. Bon bah écoute, on va faire le test en tout cas. Est-ce que vous trouvez ça sexy une moustache? Parce que c'est un peu la mode et bah j'ai envie de le faire. J'attends vos conseils dès maintenant par SMS au 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Le son de dance floor. Avec Anto sur Fun Radio. Baby got ass like a trunk. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Ten bottles, bought ten more. Told her move her ass to the tempo. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons will be if they need a pile of whoa. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' that. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it pan the avenue. Two of my bitches in the club. me introduce them to each other. Other man a gal is, I'm a stunter forever. Merci de vous réveiller sur Fun Radio dans quelques petites secondes. C'est Môme que je vous cale côté son dance floor. On aura aussi Soprano ainsi que le DJ Alec Jermis. Et juste avant, il est 6h28 sur Fun Radio, on s'informe avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. Une fusillade a éclaté cette nuit dans la ville d'Alost en Flandre orientale. Des coups de feu ont été entendus par les voisins. Une personne présente dans le bâtiment est décédée suite à ces coups de feu. Les personnes présentes à proximité ont toutes été emmenées au commissariat afin d'être interrogées. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de ce drame. Une enquête a été ouverte. À l'étranger, Donald Trump a de plus en plus peur de son adversaire Hillary Clinton. Selon le républicain, seuls les détenteurs du port d'armes auraient les capacités de stopper l'ancienne première dame. Une déclaration qui fait à nouveau parler d'elle. De nombreux médias et observateurs interprètent cette nouvelle sortie comme un appel à user de la violence dans le but de contrer son adversaire. Un nouvel attentat terroriste a eu lieu contre l'armée irakienne. Selon les premiers éléments communiqués par le groupe de l'État islamiste, 4 terroristes se sont fait sauter au milieu des soldats américains. Parmi les terroristes, un Belge est à déplorer. L'enquête devra déterminer le lieu de l'attaque et le nombre de victimes exactes. En sport, le Real de Madrid s'est imposé dans la Supercoupe d'Europe dans le duel espagnol. Séville, auteur d'une belle prestation, a donné du fil à retordre à l'équipe de Zinedine Zidane. C'est dans le temps supplémentaire des prolongations que les vainqueurs de la dernière Ligue des Champions se sont imposés sur le score de 3-2. Les hommes de Zidane, déforcés, ont dû faire face à une belle équipe de Séville. Pour l'ancien attaquant français, c'est le deuxième trophée continental sur le banc madrilène après la Ligue des Champions en mai dernier. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Les policiers ont été appelés pour une intervention plutôt inhabituelle. À leur arrivée chez un couple de personnes âgées, les officiers ont remarqué que tout allait bien. Aucun crime, aucune personne à sauver, mais un réel défi s'offrait à eux. Le couple de 84 et 94 ans avait en effet besoin d'être rassuré après tous les actes d'horreur et de tristesse que connaît le monde. Le couple en larmes lors de l'arrivée des autorités a finalement profité d'un bon plat de pâtes en compagnie des 4 policiers, mais surtout en compagnie de beaucoup d'humanité. Fun. Fun Radio. Dans un instant sur Fun Radio, je continue de vous parler de mon envie du jour. J'ai envie de me laisser pousser la moustache. Vous en pensez quoi, vous les amis? Est-ce que c'est la mode du moment? Est-ce que c'est sexy? J'attends vos conseils pour pouvoir ou pas le faire dans les prochains jours. Côté son dance floor, je vous fais plaisir avec Môme, Soprano ou encore Changes, un titre on se souvient évidemment d'il y a quelques années. Juste avant, Florence, côté météo, que se passe-t-il aujourd'hui? Des averses avant le retour de quelques éclaircies, des températures qui continuent leur chute. Elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. Summer Fun continue avec le son dance floor d'Alex Jermis. Fun. Fun Radio. Jusqu'à 9h, c'est Summer Fun sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. I know I took it up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Hey, I know I took it upon myself. I can find a way to hide all the dreams I fell. Bienvenue sur Fun Radio, 6h35. Camille me l'a demandé par SMS au 3044. Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada. Et c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Juste avant Coralie, je te parle de mon envie depuis ce matin de vouloir me faire pousser la moustache. Je trouve ça super sexy, en plus c'est la mode pour le moment. Oui, non, c'est pas vraiment la mode. C'est la mode des barbes de 3 semaines, voire un mois ou deux. Ouais, mais c'est super sexy, je trouve. En plus, quand tu fais des petits bisous dans la barbe et tout, toi, tu n'aimes pas ? Non, bah non, c'est pas du tout hygiénique, c'est dégoûtant. Il y a plein de crasse, de nourriture qui viennent se mettre dedans. Et tu peux dire, ouais, je me lave tous les jours. C'est l'extrême, ça. Mais tu passes ta journée, elle est exposée à tous les dangers de qu'il y a dehors, tu vois. Est-ce que tu te souviens de ce titre-là ? Écoute. Mais moi, je voulais une moustache. Quand j'entends ça me motive encore plus évidemment de mettre une moustache. C'était les Twin Twin, ils ont représenté la France à l'Eurovision en 2014. Je veux ci, je veux ça, il y en a jamais assez pour moi. C'est comme ci, c'est comme ça. On se souvient évidemment de ce titre, ça a fait le buzz en France d'ailleurs. Et je vais publier dès maintenant le clip sur la page Facebook de l'émission, parce que franchement je trouvais ça très drôle. Et moi j'étais fan de ce titre, et c'est quand on entend je voulais une moustache, mais voilà, je sais pas, aujourd'hui ça me motive encore plus d'avoir une moustache. Quelques réactions par SMS, Coralie. Il y a un message de Corinne qui nous dit: mon mari a une moustache et ça le rend trop sexy, j'adore. Ah. Sinon on a un message d'Eric qui nous dit: j'ai envie de me laisser aussi pousser la moustache, mais ma femme n'est pas trop d'accord, comment la convaincre? On en parle jusqu'à 9h, voici Soprano sur Fun. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus cher.

can't escape, hey, hey, escape from love, and I don't wanna die, but I can't escape, hey, hey. Tablette PC 2 en 1, Coralie, qu'on offre toute cette semaine. Oui, on vous offre votre PC Acer One10 pour ça, c'est très simple, vous envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322. Alors qu'est-ce que c'est le PC Acer One10? Eh bien c'est un PC qui est convertible en tablette, donc vous pouvez détacher l'écran de son clavier. Donc c'est vraiment pratique d'utilisation, en plus vous pouvez vraiment le transporter partout, il est super beau et très compact. Martin Garrix, In the Name of Love, c'est ce qui arrive à 6h55 sur Fun Radio. Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. h 58 sur Fun Radio, dans quelques secondes, c'est le duo de Chainsmokers et Daya, Don't Let Me Down, qui arrive. Et puis on se plaisir aussi avec le duo Autonose et Avicii. Et je vous cale tout ça juste après ça. Fun Radio. Il est presque 7h sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On s'informe en ce mercredi 10 août 2016 avec Florence Van Loo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La concurrence ne serait pas assez importante dans le secteur des télécommunications en particulier. Et c'est le vice-premier ministre qui a déclaré cela à la presse dernièrement. Seulement 26 enquêteurs forment l'autorité belge de la concurrence. Le président de l'autorité a tenu à s'expliquer. Il a annoncé que l'autorité ne pouvait plus engager depuis 4 ans. Chris Peeters prépare actuellement un nouvel arrêté qui permettrait au groupe d'engager une vingtaine de personnes. À l'étranger, New York a vu son nombre de décès par overdose augmenter de 66% en 5 ans. La principale drogue ingurgitée est l'héroïne, qui est à l'origine de 59% des overdoses en une seule année. En 14 ans, le taux d'overdose par héroïne a tout simplement triplé dans tous les États-Unis. Un problème qui touche vraisemblablement plus la tranche 45-54 ans, selon des chiffres transmis par les autorités. D'autres drogues font actuellement leur apparition, causant de nouvelles overdoses. Des soldats américains ont vraisemblablement abandonné une partie de leur matériel. C'est en travaillant avec des partenaires afghans que les soldats ont dû laisser sur place certains outils. Les forces armées se sont fait attaquer par des djihadistes de l'État islamiste. Ce dernier a publié des photos et vidéos dans lesquelles on aperçoit le matériel en question. On y retrouve également un drapeau américain et une photo d'identité d'un des soldats. Par ailleurs, 5 soldats américains ont été blessés dans des combats récemment. En sport, Evie Vanacker a perdu une place au classement général du laser radial au championnat olympique. La skippeuse a pourtant livré une très belle première course dans la journée d'hier qui lui avait permis de se hisser en tête de ce classement. Sa deuxième course de la journée a été beaucoup moins réussie puisqu'elle a réalisé sa moins bonne performance de ce tournoi olympique en prenant la 29e place. Il reste 4 Higgins à la Belge pour nous offrir une troisième médaille. Une petite information insolite pour clôturer ce flash avec les amateurs de glace qui peuvent déguster des crèmes glacées un peu spéciales en Croatie. Rien ne change au goût, par contre, en apparence, c'est tout autre chose. Une dame a d'ailleurs pu profiter de cette glace à la forme pour le moins originale. Ce jour-là, c'est une glace en forme de pénis qui lui a été délivrée par le glacier. Pour ce dernier, le pari est non seulement osé, mais c'est aussi un réel travail de sculpture. Un résultat impressionnant qui plaît aux vacanciers présents sur place. Et puis si vous aussi vous avez envie de manger une glace plutôt originale, la glace Fun Radio vous sera offerte aujourd'hui comme tous les mercredis l'été. Ça se passera entre 18h et 19h dans C'est que du fun ce soir. Ici à Forêt, avenue Télémac 33, on vous attend. Dans quelques secondes, série de salles qui arrivent sur Fun. On aura également le duo Autonos et Avicii. Juste avant, côté météo, Florence, est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour nous? Non, malheureusement avec des averses et le retour de quelques éclaircies, des températures qui continuent de chuter. Elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. Le Sound Dance Floor continue sur Fun Radio avec The Chainsmokers. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floor. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours, jusqu'à 9h sur Fun Radio. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name. Don't let me down. 7h05 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On ouvre tout doucement les yeux ensemble pour se réveiller, pour démarrer la journée avec Autonose et Avicii dans un instant. Soyez les bienvenus en tous les cas sur Fun Radio. Nous sommes le mercredi 10 août 2016, Coralie. Oui, nous sommes le 223e jour de l'année, milieu de la 32e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Alors, Laureline et Laurence. Bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés également ce mercredi 10 août. Devon Aoki est né aujourd'hui. C'est une actrice qui a joué dans Too Fast, Too Furious ou encore dans Dead or Alive. Sinon, Antonio Banderas est aussi né aujourd'hui. Bah oui. Il a joué dans 2.33 ou encore Le Masque de Zorro. Et puis Rosanna Arquette qui a joué dans le célèbre film Pulp Fiction. C'était l'éphéméride du jour. Coralie, Fabien Feillage, on le connaît. Il vient tous les jours nous rendre une petite visite aux alentours de 7h40. On va s'écouter un petit extrait du Fabien Feillage du jour. Aujourd'hui, on parle de Patrick Sébastien. On adore Patrick Sébastien, évidemment. C'est une des stars de la télé française. C'est vrai, on le kiffe. Moi, je l'adore. Et ici, Patrick Sébastien, bah justement, il a l'habitude de chanter des chansons plutôt originales. Et Fabien Feillage va s'en amuser, évidemment. Écoutez. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Fabien Feillèche. Est-ce que je pourrais parler à Patrick Sébastien, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, je vous écoute. Ouais, disons Patrick, je vais vous demander comment qu'il faut faire pour participer au Grand Cabaret. Ou quoi? J'ai pas compris, monsieur. Comment qu'il faut faire ou qu'il faut s'inscrire pour participer au Grand Cabaret? Ce sera à découvrir tout à l'heure aux alentours de 7h40. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire, Coralie, si on veut souhaiter son anniversaire ici à l'antenne? Eh bien, vous suivez d'envoyer Anif par SMS au 3044, 50 centimes par message, je vous recontacterai juste derrière. Et puis ça peut être sympa, je pense, le matin, de passer à la radio comme ça et souhaiter un bon à ses potes. On vous appelle tout à l'heure, juste avant 8h. Dans quelques secondes, c'est Ritza et La Sedai. C'était mon coup de cœur de cette année, je le partage avec vous dans un instant. Juste avant, c'est le duo Avicii et Autonose sur Fun 7h07. Until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes. That I c'est dingue. Fun Radio. Fun Radio. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Là c'est dingue. Laisse-moi là, j'atterris. J'avoue là c'est pas mal. On me dit que je suis un génie. Un conseil, ne te frotte pas. J'aime ce goût de vanille sur ta peau toute bronzée. Bébé, me dis pas que tu me kiffes, car j'ai même pas commencé. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Monte le son, baisse d'un ton. À tout moment, je peux passer à l'action. Attention, pas de question. Calmement, on y va sans pression. Et je mange, j'aille, j'aille. Mec, regarde ta go. Depuis tout à l'heure, elle fait que me fixer. Oh là, que tal, ça la mélo. Je veux juste des kisses qui fait glisser. Perdre et ban, classico. Je ne joue pas, pourtant t'es bluffé. Et je mange, aïe, aïe, aïe. Là, c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange, aïe, aïe, aïe. Là, c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Là, c'est dingue. Je traîne en gamos, je sens une main passer dans mon cou. Je suis accompagné d'une bastos, je suis en love et oui je l'avoue. Elle veut me faire goûter son gloss, je pense pas que je vais donner ma joue. Je crois qu'elle veut me faire un gosse, gosse, gosse. Et je mange, aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Et je mange, aïe, aïe, aïe. Là c'est dingue, aïe, aïe. Je fais mes bye, bye, bye. Vas-y, wine, wine, wine. Là c'est dingue. Là, 7h13 sur Fun Radio, soyez les bienvenus. La journée démarre doucement mais sûrement avec Summer Fun sur Fun Radio et Calvin Harris, c'est Rihanna dans un instant. Les plus beaux cadeaux Coralie, ben on les offre cet été sur Fun Radio et d'ailleurs on a d'ailleurs un très beau cadeau cette semaine. On a le PC Acer One 10 à vous offrir. Alors c'est le PC du moment. Il est convertible en tablette, donc vous pouvez détacher l'écran pour pouvoir l'utiliser, bah, transporter tout simplement l'écran qui est tactile partout avec vous. Génial. Donc ça, c'est pratique pour vous, pour vos enfants qui aiment bien jouer avec des tablettes, parce que maintenant c'est quelque chose que les enfants font beaucoup, c'est jouer avec des tablettes. Donc c'est parfait pour vous ou vos enfants. Vous pouvez aussi vous en servir comme ordinateur, si vous avez souhaité simplement travailler ou alors passer un moment sur internet à faire des petites recherches pour vos vacances par exemple. On est en vacances, bah voilà, c'est le moment parfait. Donc si vous souhaitez remporter ce cadeau, pour envoyer PC par SMS 6322, on fera le tirage au sort vers 9h15. Vers 9h15, effectivement, un cadeau qui a gagné toute la journée, parce qu'on peut également le remporter le soir entre 17h et 20h chez les David Kaufman et David Barbet, en envoyant dès maintenant PC, P et C par SMS au 6322 pour 1€ le message avec toutes les infos sur funradio.be. Dans un instant, c'est Lost Frequencies qui arrive. Juste avant, c'est Calvin Harris et Rihanna, This is what you came for sur Fun. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you. is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On reste en Belgique avec Lost Frequency, c'est Beautiful Life dans un instant. Et c'est après ça. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et qu'aura lieu un Club Buzz aujourd'hui qui est consacré aux Jeux Olympiques qui font malheureusement, pour dans ce cas-ci, déjà parler d'eux sur la toile. On va parler d'un gymnaste français, Samir Aït Sadi. Saïd, pardon. Donc voilà, c'est un gymnaste français qui a. Il lui est arrivé quelque chose en fait aux Jeux Olympiques. Donc ce gymnaste. Et c'est pas des moindres ans. En tout cas. Hein. Quand on voit la vidéo, c'est plutôt effrayant. Exactement. Donc le gymnaste de 26 ans, s'est mal réceptionné et il s'est fracturé la jambe. Et il s'est fracturé la jambe d'une façon assez choquante. Douloureuse, et oui. Douloureuse, effectivement, parce que sa jambe était totalement cassée. Fracture du tibia et du péroné ouvert. Donc sa jambe était, on peut le dire, pliée à un angle de plus ou moins 90 degrés. On peut le dire complètement sur la vidéo qu'on va vous poster d'ailleurs maintenant, où on peut voir des images qui peuvent heurter évidemment. Et bien quand il se réceptionne, sa jambe est complètement pliée en angle droit et c'est plutôt dégueulasse. J'ai même pas osé regarder la vidéo tellement ça me dégoûtait. En fait, tu te rends pas compte que ça va arriver parce que le gars est tout souriant, il court, il fait son petit machin, etc. Et puis tout d'un coup, tu vois l'angle, tu le vois même pas tout de suite. C'est parce qu'après il relève la jambe et c'est dégueulasse. On voit la jambe en angle droit. Ah, c'est immonde. En plus de ça, Samir était vraiment bien classé parce que c'était en lui que toutes les chances étaient reposées pour l'équipe de France. Ils espéraient tous récupérer une médaille dans la spécialité des anneaux. Et donc, du coup, en plus, il faut quand même c'est préciser, un peu cassé, hein. Non, mais faut préciser, c'est pas la seule galère qui lui arrivait ce jour-là. Parce que donc, il s'est fracturé la jambe, il a été emmené par les ambulanciers, mais il s'est fait applaudir en sortant parce qu'il était réveillé, il a fait un petit signe. Mais une fois, les ambulanciers sont pas très adroits et donc avant de le mettre dans l'ambulance, ils ont réussi à faire tomber la civière. C'est pas vrai. Il est retombé après. Ils ont réussi à faire retomber la civière. Alors là, j'ai vu la vidéo et c'est assez drôle. C'est assez drôle parce que vraiment, on essaye de le mettre dans l'ambulance et d'un coup, t'as l'arrière qui lâche et tu vois la civière qui tombe d'un coup, qui se lâche et t'as les ambulanciers qui essayent de se précipiter pour la ramasser, mais c'était déjà trop tard. Mais j'espère que grâce à ça, sa jambe s'est remise en angle 180 degrés. Oh, arrête. Espérons. Merci Coralie, on publie dès maintenant la vidéo un peu buzz et surtout avec des images choquantes, on vous le rappelle dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Et puis on appelle l'un ou l'une d'entre vous dans quelques instants pour rappeler l'anniversaire du jour, Coralie. L'anniversaire, si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez envoyer maintenant Anif par SMS au 3044 et je vous rappelle juste derrière. Et puis c'est très très simple parce qu'on avait un jingle parlé pour vous l'expliquer. Réécoutez. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbecue ce soir. Non, désolé, je peux pas. Bah tu fais quoi? Je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow wow wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie invitée à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face swap avec des inconnus parce que c'est drôle. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Plotto présente le mois de Wout, semaine 2. Un deuxième volet aussi bien que le premier, avec à nouveau 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouer au loto. Jean, mais qu'est-ce que tu fais? J'arrive plus à dormir. Mais lève-toi alors. Yes! Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais de votre supermarché. Fun Radio.

J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Bonne humeur nous envahit pour démarrer la journée. Soyez les bienvenus sur Fun Radio, il est 7h30. Et comme tout est le meilleur sur Fun Radio, on s'informe avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. L'INAMI a remboursé plus de 208 millions d'euros à une trentaine de pays européens. La Belgique a, elle, reçu des autres pays plus de 371 millions d'euros pour avoir prodigué des soins à des ressortissants européens. Nos pays voisins ont reçu les plus grosses sommes. La Belgique a bénéficié de l'aide conséquente de nos voisins français et hollandais. 53% des résidents étrangers hospitalisés chez nous étaient hollandais. À l'étranger, le père de l'auteur de l'attentat du club gay d'Orlando a participé au meeting de la candidate démocrate Hillary Clinton. Des photos prouvent en effet que l'homme soutient l'ancienne première dame des États-Unis. Son fils a commis le pire attentat dans le pays depuis le 11 septembre 2001 en tuant 49 personnes. Son père a annoncé qu'il aurait souhaité voir son fils combattre l'État islamique au lieu d'en faire partie. L'Arabie Saoudite va pouvoir débourser 1,15 milliards de dollars selon un contrat signé entre ce dernier et les États-Unis. Ce dernier va vendre à l'Arabie, un pays allié du Golfe, des chars, des véhicules blindés, des mitrailleuses lourdes et des munitions. Le contrat doit encore être concrétisé par le feu vert technique du Congrès. En sport, émotion partagée pour notre pays en natation. D'un côté, la joie avec la qualification pour la finale du 100 mètres nage libre du Belge Peter Timmers. De l'autre, la déception avec les 8e places d'une part de Louis Cronen sur le 200 mètres papillon et d'autre part celle du relais 4 x 200 mètres. Le relais belge vice-champion d'Europe a livré une très mauvaise performance en finale du 4 x 200 mètres. Toujours en natation, l'Américain Michael Phelps a remporté ses 20 et 21e médailles olympiques en or. Il est désormais le recordman absolu dans toute compétition avec 25 médailles. Et pour clôturer, une petite information insolite, les réseaux sociaux sont parfois essentiels, voire

my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. And she all in my world. I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. But then I tell myself. Il est 7h39, on se réveille ensemble sur Fun Radio avec dans quelques petites secondes Milo au côté sur Dance Floor avec Holy in the Moon. Le temps pour nous, Coralie, bien de parler du sujet du jour, puisqu'on parle de moustache aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai envie de me laisser pousser la moustache. C'est plutôt sexy, tu trouves pas? Non, pas du tout. Alors là, vraiment pas. Mais tu l'as ici, tu peux jouer avec. Tu fais plein de petits bisous dans ta barbe. C'est plutôt mignon, je trouve. Plein de petits bisous dans ta barbe après que t'aies mangé un sandwich qui soit resté plein de miettes, des morceaux de mayonnaise, de légumes. Ouais, mais ça c'est extrême. Tu mets quand même pas des légumes dans ta barbe, Coralie. C'est extrême, mais c'est pas extrême du tout. Tu manges, t'as de la barbe, c'est long, c'est des poils, ça accroche. C'est fait pour ça. On a eu quelques petites réactions sur la page Facebook de l'émission, notamment quelqu'un qui nous dit que la moustache ça va, c'est sexy, mais pas la barbe. Oh, que ça fait un peu trop sale. Non, bah je suis pas du tout d'accord. Je trouve que la moustache, y a rien de plus sale et de. Non, en fait, la moustache c'est entre le nez et la bouche. C'est deux endroits qui. Non, mais c'est deux endroits qui sont extrêmement sales, tu vois. Genre le nez et tout. Enfin, c'est dégueu et la bouche. Mais, d'un côté, tu lèches pas ta moustache non plus, tu vois. Elle est juste là pour décorer et jouer avec de temps en temps. Oui, mais comme je t'ai dit, quand tu manges, eh ben, il n'empêche pas qu'il y ait des petits morceaux de nourriture et dans ta moustache. Eh bien, en continuant à en parler jusqu'à 9h, que pensez-vous? Trouvez ça sexy, une moustache ou encore une barbe? Mettez tout d'accord. On va avoir un peu votre avis par SMS 3044 ou encore via la page Facebook de l'émission. On se concentre sur Fabien Feuillage qui nous rejoint en parlant de Patrick Sébastien. Coralie, on connaît évidemment Patrick. Ah oui, bien sûr. Il gère, il est pratiquement tous les week-ends sur France 2. Il adore la chanson, la variété. Et bien justement, c'est l'occasion pour Fabien Feillèche d'en rire et surtout d'y chanter. Fabien Feillèche. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Fabien Feillèche. Est-ce que je pourrais parler à Patrick Sébastien, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, je vous écoute. Ouais, disons Patrick, je vais vous demander comment qu'il faut faire pour participer au Grand Cabaret. Ou quoi? J'ai pas compris, monsieur. Comment qu'il faut faire ou qu'il faut s'inscrire pour participer au Grand Cabaret? Grand Cabaret, monsieur, je comprends pas ce coup. Le Grand Cabaret de Patrick Sébastien. Oui, le Grand Cabaret de Patrick Sébastien, sur France 2. Ah ouais, d'accord. Bah, allô? Allô? Ouais, coucou, c'est encore Fabien Feillèche, c'est Patrick Sébastien, là. Putain, mais casse pas les couilles. Oui, non, mais pas pour casser les couilles, c'est pour casse pas les couilles, te ferme ta gueule. Non, mais parce que moi, en fait, j'arrive à jongler avec des bananes en feu. Mais vas-y, mais qu'est-ce que tu me branches avec tes bananes en feu, là? Va te faire enculer. Bah, t'as Il croit pas que j'arrive à jongler avec des bananes en feu, je te jure. Allô? Ouais, coucou Patrick Sébastien. Oh putain, oh. Ouais, je vais savoir, ça vous dérange si on chante ensemble une petite chanson? C'est taré ou quoi, toi? Attends, mais qu'est-ce que tu veux m'appeler encore? Attends, quitte pas, vas-y tata, envoie la musique, il veut chanter avec moi. La ah bah, tata, ouais, t'as reconnu les paroles, toi? Ouais, j'ai pas reconnu. Allô? Oh putain, oh. Oh, mais c'est bon, ça, tu me qui vient me casser les couilles, là, oh? C'est encore un gros p***, là, qui m'appelle, Et jusqu'au petit... Oh, maman, c'est de merde, là. Ouais. Et jusqu'au petit jour, on ira faire la fiesta, la fiesta. Mais ferme ta gueule, là, ferme ta gueule. Non, la fiesta, là. Oui, c'est faire la fiesta. Jusqu'au petit jour, ferme... on ira faire la fiesta. Mais ferme ta bouche, oh. Mais qui tu es, toi? Comment tu t'appelles, en là? Mais Patrick, Sébastien, tu veux pas faire la fiesta? Mais ta mère, elle va faire la fiesta, ta mère. Fabien fait yesh. Et même si sa mère fait pas la fiesta, nous on va continuer à la faire jusqu'à 9h. Merci de nous rejoindre sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est l'anniversaire du jour, Coralie. Oui, et mais vous souhaitez ben, qu'on vous souhaite un bon anniversaire ou alors à l'un de vos proches, vous pouvez envoyer dès maintenant Anif par SMS au 3044 et je vous rappelle. Dans quelques instants, évidemment. Maître Gim qui sera en concert avec nous, avec Fun Radio. Je vous explique tout ça dans quelques instants. Juste avant, c'est Milo et Oli in the Moon sur Fun. Soyez les bienvenus, 7h43. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, at dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over. Merci de vous réveiller sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est Maître Gim, c'est ma beauté Maître Gim qui sera en concert avec Fun Radio très bientôt. Toutes les infos dès maintenant sur funradio.be. Le temps pour nous à 7h46. Et bien attendre tous vos messages par SMS au 3044. Autant pour moi, c'est la bonne humeur du matin. Voilà, on est content et on est surtout ensemble ce matin. Et on va appeler l'un ou l'autre d'entre vous pour souhaiter un bon anniversaire ici à l'antenne. On a Audrey qui est avec nous, qui habite du côté de la Louvière, qui va arriver dans un instant. Le temps pour nous d'allumer le standard et de la prendre avec nous. Il y a Audrey qui est là par téléphone. Salut Audrey.

Vous écoutez Summer Fun et on est ensemble jusqu'à 9h. Le cadeau exceptionnel de cette semaine, Coralie. C'est le PC Acer One 10, c'est un PC 2 en 1, convertible en tablette, donc vous pouvez l'utiliser comme un ordinateur ou alors comme une tablette tactile. Vous pouvez débrancher carrément son écran ou alors le retourner aussi à 180 degrés. Et si vous souhaitez remporter ce cadeau, envoyez dès maintenant PC par SMS au 6322. Voici le tout nouveau Matcon sur Fun Radio, Keep My Cool, c'est ce que je vous joue maintenant. Sur Fun Radio, c'est Jonas Blue et DJ Snake que je vous joue. Fun Radio. Juste avant ça, il est 8h01, debout tout le monde. On s'informe en ce mercredi 10 août 2016 avec Florence Vanloo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La concurrence ne serait pas assez importante dans le secteur des télécommunications en particulier. C'est le vice-premier ministre qui a déclaré cela à la presse dernièrement. Seulement 26 enquêteurs forment l'autorité belge de la concurrence. Le président de l'autorité a tenu à s'expliquer. Il a annoncé que l'autorité ne pouvait plus engager depuis 4 ans. Chris Peter prépare actuellement un nouvel arrêté qui permettrait au groupe d'engager une vingtaine de personnes. À l'étranger, nouvelle bavure policière aux États-Unis. Le 28 juillet dernier, un homme noir avait été tué par les forces de l'ordre. Dans un premier temps, tout laissait à penser que l'homme Donnell Thompson avait été l'auteur d'un vol à main armée. Mardi, le capitaine de la police est revenu sur les déclarations en affirmant que rien ne permettait de dire qu'il était l'auteur de ce vol. Aucune arme n'a été retrouvée sur le jeune homme. Cet aveu intervient le jour du deuxième anniversaire de la mort d'un jeune noir tué par un policier blanc dans le Missouri. En sport, notre compatriote Dirk Van Tichel, médaillé de bronze en judo, a fêté sa médaille à l'hôpital. Alors qu'il passait de bons moments avec le clan belge et sa famille, le judoka s'est fait attaquer sur une plage. Un vol serait à l'origine de cette altercation. Van Tichel a été emporté à l'hôpital pour faire des examens. Plus de peur que de mal pour notre compatriote qui s'en sort avec un bel œil au beurre noir. Un événement qui ne l'a pas refroidi le Belge qui a poursuivi la fête quelques heures plus tard. Une petite information remplie d'humanité pour clôturer ce flash. Les amateurs de cyclisme féminin se souviendront certainement encore longtemps de la terrible chute de la néerlandaise. Alors qu'elle était en tête, Anke van Vleuten a dû freiner dans un virage avant de faire un soleil et d'heurter le seuil avec la tête. La néerlandaise grièvement blessée est restée allongée de longues minutes. Quelques secondes après la chute, les poursuivantes sont arrivées et ont cru au décès de la cycliste. À l'arrivée, la victoire n'a pas été disputée par le petit groupe. La Suédoise et les autres concurrentes ont laissé la victoire à une autre Hollandaise, Anna van Breggen. La Néerlandaise s'est imposée devant ses concurrentes qui ont laissé gagner la Hollandaise en hommage à sa compatriote Van Vleuten. Cette dernière s'est fracturée 3 vertèbres de la colonne. Elle a été également touchée à la tête avec une commotion cérébrale importante. Elle est actuellement hors de danger. Fun. Fun Radio. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noize, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noize pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Party Fun. Kid Noize en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Musique. 8h04 sur Fun Radio dans quelques secondes. Côté son dance floor, c'est Jonas Blue que je vous calme, encore le DJ Snake et Talk. Juste avant, côté météo, Florence, qu'est-ce que tu nous prévois pour cette journée de mercredi? Rien de terrible avec des averses avant le retour quand même de quelques éclaircies. Les températures continuent leur chute, elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. En attendant, on poursuit avec le son du DJ français David Guetta dans Summer Fun. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Summer Fun. We're born to fly. So let's keep living. Quoi de mieux pour entamer la journée de bon pied que d'écouter Fun Radio? Merci d'être avec nous, 8h08. Dans quelques petites secondes, c'est DJ Snake que je vous cale sur Fun Radio. Avec Talk. Juste avant ça, je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour démarrer la journée ici à 8h08 en ce mercredi 10 août 2016. Nous sommes le 223e jour de l'année, milieu de la 32e semaine. Et des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. Alors, Laureline et à Laurence. Bonne fête à vous les amis, puis des stars sont nées en ce mercredi 10 août. Devon Aoki est née aujourd'hui, elle a joué dans Too Fast, Too Furious ou encore dans Dead or Alive. Antonio Banderas aussi, il a joué dans The 33 ou encore Le Masque de Zorro. Mmh. Et Rosanna Arquette qui elle a joué dans le célèbre film Pulp Fiction. Et bon anniversaire à vous si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Coralie, on ouvre l'émission aux auditeurs le vendredi. Et chaque vendredi, venez assister à l'émission, passer un moment avec nous, profiter du petit déj gratos et avec la boulangerie L'Artisan qui très bon offre chaque vendredi le petit déj. Ils sont vraiment cool, la boulangerie est super belle et super, c'est vraiment délicieux en plus qu'ils préparent. Donc si vous souhaitez venir assister à l'émission, envoyez un mail à antoine@funradio.be. Ou encore sur la page Facebook Summer Fun. On vous attend, DJ Snake Talk, c'est ce qui arrive sur Fun 8h09, bienvenue. Il est 8h12, vous écoutez Fun Radio dans quelques petites secondes. C'est Jonas Blue, le Perfect Strangers qui arrive. Le temps pour nous de vous offrir du cadeau, Coralie. On va jouer au Battle Fun. Alors notre stagiaire Etienne a modifié une chanson. Vous devez reconnaître le titre ou l'artiste. Et si jamais vous avez la bonne réponse, vous devez en l'envoyer par SMS au 3044. Vous pourrez repartir avec votre entrée pour Jubilee Aventure qu'on appelle maintenant la petite merveille. Effectivement, écoutez bien, c'est cet extrait. Les trumpets blow. Alors écoutez, je vous donne un indice, le chanteur est jamaïcain. Les trumpets blow. Vous avez la bonne réponse, vous pensez l'avoir reconnu. J'aime beaucoup ce mix, ça pourrait devenir un des titres de l'été quand on regarde remixé comme ça. Eh bien c'est ce qu'on vous offre dans quelques instants si vous reconnaissez la bonne réponse. Juste avant, on va s'écouter le meilleur du Sun and Floor du 100% belge avec Stromae, Papa Outé, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. On aura aussi Galantis et Nomoni, ça franchement nous on adore ici dans l'équipe hein, Coralie. On le kiffe. Galantis c'est franchement un DJ qui cartonne. Et puis juste avant, c'est Jonas Blue, ça oui qu'on a pu entendre évidemment partout dans le monde. Pour l'instant il arrive sur Fun Radio dans la suite à 8h13 avec son titre Perfect Stringers. On a aussi le Fun Sport dans un instant. Vous avez vu plein de surprises qui arrivent juste après Jonas Blue. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold. We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Mars sur Fun Radio, vous avez fait le bon choix de nous écouter où que vous soyez en Belgique d'ailleurs. Je vous souhaite la bienvenue avec dans quelques secondes Galantis et Nomoni côté Sun and Floor. Il est 8h17, le temps pour nous d'accueillir Gilles Meurice. Comment ça va mon Gilles? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Très très bon. Bon, on a décalé un peu la chronique, c'est vrai, parce que c'était le lundi, mais week-end difficile fait que tu viens nous voir aujourd'hui mercredi pour parler aujourd'hui de sport. Tout à fait, aujourd'hui on va parler de poitrine. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que je vais donner quelques petits conseils aux femmes pour muscler leur belle poitrine. Et bien si vous aurez musclé votre poitrine, ça va arriver dans quelques instants. Le temps pour nous de réécouter le Battle Fun du jour. Est-ce que toi tu as reconnu l'artiste qui est derrière? Oui. Et donc tu confirmes que c'est un Jamaïcain? Oui. Tu confirmes également que le DJ qui se cache derrière ça est lui espagnol. Tout à on fait. On va réécouter. Les trumpets blow. Moi j'adore le mix, hein. La façon dont ça a été accéléré. On le réécoute pour le plaisir, écoutez, chanteur jamaïcain, producteur espagnol, et si vous faites attention dans la musique, vous entendez des cris de singe. Pas dans l'extrême, mais dans la musique originale. Il y est, vous avez reconnu qui est l'artiste, vous avez reconnu qui est, eh bien, le titre de ce tube. Vous envoyez dès maintenant la réponse par SMS 3044 pour repartir avec

but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet, no. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell, so burn when I'm not. And you're by yourself, by the answer to your prayers. I'm giving you the pleasure of heaven, and I'll give it to you. Dans un instant, c'est Cheat Codes qui arrive sur Fun. 8h30, bienvenue. Et à 8h30 sur Fun Radio, on fait un tour de l'actu avec Florence Vanlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. La centrale médicale Métro Centrale vient de fermer ses portes. Le réseau Bruxelles Quality Médical a affirmé cette information parue dans les médias. La fermeture du centre, dont l'utilité avait été reconnue par un avis favorable du Conseil de l'Ordre des médecins, serait due aux derniers événements qu'a connu notre pays. L'organisation met également en avant l'emplacement trop décentré par rapport à la gare proprement dite et qui est la destination finale de nombreux usagers. À l'étranger, la présidente brésilienne Dilma Rousseff pourrait être destituée de son poste. Le Sénat s'est prononcé cette nuit en faveur de sa destitution définitive. Un procès aura lieu après un vote remporté avec 59 voix contre 21. Dilma Rousseff a été suspendue en mai dernier pour avoir été accusée de maquillage des comptes publics. La présidente pourrait être définitivement écartée de la présidentielle. 206 tonnes de cocaïne ont été saisies en Colombie. Pour le pays, premier producteur mondial de drogue, c'est un chiffre record. Cette semaine, 3,7 tonnes ont été saisies. La Colombie est le principal producteur de feuilles de coca, à la matière première de la cocaïne, et le premier producteur de cette drogue, avec 646 tonnes en 2015 selon l'ONU. En sport, les Red Lions sont bien partis pour aller loin dans le tournoi olympique de hockey. Cette nuit, ils ont décroché leur troisième victoire de la phase de poule. Les Belges se sont imposés 1-0 face à l'Australie, numéro 1 mondial. Notre équipe qui pourrait récupérer l'un de ses meilleurs éléments plus tôt que prévu. Tom Boone devrait en effet refaire son apparition lors des quarts de finale qui ne devrait pas échapper à notre équipe nationale. Une petite information insolite pour clôturer ce flash. Vous le savez, il est parfois difficile de trouver un prénom à un nouveau-né. Pour certains, les actualités sont au centre de leur choix. Depuis quelques semaines, les jeunes parents sont influencés par le célèbre jeu Pokémon Go. Trois prénoms semblent ressortir le plus souvent, avec le renard Eevee, le serpent Onyx ou encore celui qui a été donné le plus de fois, Roselia. Pour l'instant, pas encore de Pikachu, mais on ne serait pas surpris que cela arrive un jour. Fun. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, c'est Chicotz et Sex qui arrivent côté Sun and Floor. Juste avant, côté météo, est-ce que tu as des bonnes nouvelles? Est-ce que ça va nous rendre le sourire aujourd'hui? Pas vraiment, non. Ah. Avec des averses et le retour de quelques éclaircies en fin de journée, les températures continuent leur chute. Elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. En attendant, le soleil se trouve dans la radio avec Summer Fun qui continue et le Sun and Floor d'Alex Jermis. Fun Radio, Summer Fun, c'est du son dance floor, du son dance et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Sometimes it's hard just trying to hold on. Sometimes all that you want is to go home. Sometimes you know you're stuck in the trouble. Sometimes you just keep feeling the struggle. I know I took it up on myself. I can find a way to hide all the dreams I feel so far. Hey, I know I took it up on myself. I can find a way to hide all the dreams. fell so far. Hey, I know I took it upon myself that I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Ensemble sur Fun Radio 8h37, merci d'être là. Dans un instant, on se fait plaisir avec Cheat Codes et Sex côté sur Dance Floor. Et c'est juste après ça. Petite remise en forme obligatoire durant l'été, grâce à Fun Sport. Et Gilles, tu as comme à chaque fois pour nous des petits conseils pour rester en forme durant l'été. Tout à fait, j'ai trois exercices aujourd'hui pour sculpter la poitrine de cette dame, par exemple les deux qui sont autour de nous. Parce que c'est important, Florence et notre amie Coralie, vous allez pouvoir tester en direct, hein, les filles, donc préparez-vous, ah, okay. On commence avec un premier exercice. Mais à savoir quand même que c'est bon pour les pectoraux des hommes aussi, ah, donc Étienne, okay. Et Antoine, vous pouvez le faire avec elle. À noter. Donc c'est à réaliser soit avec des haltères, soit avec des bouteilles d'eau pour ceux qui n'ont pas d'haltères. Voilà, histoire de rajouter un peu de poids et un peu de difficulté. Donc le premier exercice s'appelle le coucher écarté. Le coucher écarté, ça a l'air un peu sexy ça. C'est très sexy. Donc le principe est de s'allonger sur le dos. Le principe est de s'allonger sur d'accord. Le dos. Bras tendus vers le haut et les coudes vont venir toucher le sol en fait. Donc on va devoir relever un peu le corps en touchant le sol. Non, ton corps reste sur le sol, d'accord. Tu lèves juste les bras. Ok. Tu tapes dans les mains en fait si tu veux, tu vois, comme quand t'es en concert. Ah oui, je vois. Voilà. Comme t'es en concert. Pourquoi pas. Donc faut mettre le son dance floor derrière pour pas te motiver. Ah, il vaut mieux. Évidemment. C'est toujours plus agréable. Donc voilà, je conseille 4 séries de 20 répétitions avec chaque fois 45 secondes entre deux exercices. On vous voit éviter les films, hésitez, mais n'hésitez plus, vous pouvez vous mettre par terre, on vous regarde. Hein. Pas de soucis. Ouais. Elles sont timides. Alors, deuxième exercice, le pullover. Le pullover, c'est un rapport avec le vrai pullover ? Non, je pense pas. Donc le principe est le même, on reste couché sur le sol et les mains tiennent fermement une bouteille d'eau ou une haltère, comme je le disais là tout de suite, mais au-dessus de la tête en fait. Donc les bras sont tendus. Et donc on fait le mouvement. On est couché sur le sol. Les mains sont tendues derrière la tête et on les ramène au-dessus de la poitrine à la verticale. Et on fait ça aussi une vingtaine de fois, j'imagine. Voilà, c'est ça. 4 séries de 20 répétitions, 45 secondes de pause entre les deux. Et ben c'est ça. Pourtant, ça je l'ai fait, c'est plutôt facile, c'est faisable. Ah ouais ? Et le dernier exercice qui s'appelle le développé couché. Ouais, c'est, ben voilà Antoine, par contre, c'est déjà le faire comme il faut. Attends, un troisième exercice. Le troisième exercice, développé couché, donc toujours couché sur le dos, position préférée d'Antoine. J'ai pas compris cette blague, excusez-moi. Les bras sont tendus à la verticale, au-dessus de la poitrine, et on va simplement plier les coudes afin de ramener les mains qui tiennent une bouteille d'eau. Donc les bras sont tendus au-dessus de la poitrine. Comme si on nageait. Ouais. Vu le geste que tu fais, c'est comme si on fait la brasse, tu vois. Ouais, plus ou moins. Il y a une espèce de brasse. Et en fait, on ramène simplement les mains sur la poitrine. Donc les bras sont pliés à ce moment-là. Voilà. Donc c'est comme si on venait chercher l'énergie. On met les bras devant, on ramène l'énergie. On ramène l'énergie dans son corps. Plutôt pas mal. Et donc, comme les autres, 4 séries de 20 répétitions et 45 secondes de pause entre deux exercices. Et puis ce qui peut être sympa, c'est faire les 3 d'un coup. À la suite. Ah bah oui, c'est le but. Oui. Non, le but c'est de faire les 3 et pas chacun un jour. Et d'en faire un petit peu tous les jours, j'imagine. Tout à fait. On appelle l'un ou l'une d'entre vous dans quelques instants pour repartir avec votre place pour la petite merveille. Pour ça, il faut reconnaître l'extrait du Battle Fun du jour. On va l'écouter. Gilles, essaye de jouer avec nous. Peut-être que tu repartiras ou pas avec la place pour la petite merveille. Réécoutez.

8h45, je m'appelle Anto et je vous accompagne jusqu'à 9h dans Summer Fun. Merci de vous réveiller avec nous dans quelques instants. On se fait vachement plaisir avec le titre qui cartonne, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ça va nous rendre le sourire dans quelques secondes. Le temps pour nous, Corée, d'appeler l'un ou l'une d'entre vous qui allez pouvoir repartir eh bien, avec vos entrées pour Durbouille Aventure. Pour ça, c'était très simple, il fallait reconnaître cet extrait. Écoutez, l'extrait qui arrive. Il est prêt. Les trompettes blow. Et on a Barbara qui habite Binge qui est avec nous. Salut Barbara. Salut. Salut. Comment ça va bien ce matin? Ça va très bien, vous? Mais très très bien. Ouais. Attention, j'ai une question super importante pour toi. Qui interprète ce titre? C'est Sean Paul. On vérifie ensemble, Barbara. Je pense que c'est une bonne réponse. Ouais. Et là, on va aller Barbara en plus ce matin, ça nous fait super plaisir. C'était effectivement Sac Noël et Sean Paul sur Trumpets. On t'envoie directement ton cadeau à la maison, Barbara. Oui, ton entrée pour super, le Durbouille Aventure. Et moi, j'ai une petite question pour toi avant de te laisser. Est-ce que tu trouves ça sexy, une petite moustache? Depuis quelques jours, j'ai envie de me laisser pousser la moustache et de me faire une barbe. Enfin, de me laisser pousser la barbe. Coralie n'est pas du tout d'accord alors que c'est la mode pour l'instant. C'est super sexy, tu trouves pas? Non. Vous savez, mauvais gars. Ça s'est vu sur ma tête que j'espérais. Puis finalement elle me casse dans mon délire. Mais vous n'avez pas de goût les filles, parce que franchement je trouve ça super sexy, les petites barbes de quelques jours comme ça. Florence elle a caisse, elle est d'accord avec moi? Non, personne n'est d'accord avec toi. Toi non plus Barbara? Est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir repartir avec du cadeau? Fais attention, c'est moi qui te l'offre. Non, contre je suis sûre. C'est moi qui vais te l'envoyer, t'inquiète. Je te fais des bisous Barbara, passe une excellente journée. Puis à très bientôt les coups de Summer Fun. À très bientôt. Des bisous. Vous aussi, vous avez envie de jouer avec nous, pas de panique. On vous offre plein de cadeaux toute la journée et toute la semaine. Et puis Coralie, dans quelques instants, on part du côté de l'agenda. Qu'y a-t-il à faire aujourd'hui en Bruxelles et en Wallonie? On vous dira tout, ce sera dans les idées de sortie. A tout de suite. This is Fun Radio. Fun Radio. Only stage. Le son dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. Dance floor. So hard to think about what we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Avec Anto sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh. beats and my blood is rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Dancefloor, c'est aussi l'été sur Fun Radio avec dans quelques secondes Iggy Azalea. Et son titre Fancy sur Fun. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et aujourd'hui, Coralie, dans l'agenda du jour, on parle de magie. Et oui, pour la 40e fête à Tif, la CTSVL a proposé à l'école Illusion, une école de renommée de magie, de présenter son spectacle destiné aux enfants et ainsi qu'à leurs parents. Ça se passe dans quel coin ? Ça se passe donc du côté de Tilf, à l'esplanade de l'Abeille, 4131 Tilf, sous le chapiteau des fêtes. Des infos sur internet peut-être ? Oui, www.act tapis-fleurs-d'union.tilf.be. Là, on parle d'un événement qui aura lieu ce week-end ici à Bruxelles, c'est le tapis de fleurs de la Grand Place. Et oui, cette année, à l'occasion de sa 20e édition, le tapis de fleurs de la Grand Place de Bruxelles prendra un design japonais pour célébrer les 150 ans d'amitié entre la Belgique et le Japon. Donc, plus de 1800 mètres carrés de bégonia couvriront la Grand Place pour former une tapisserie naturelle, inspirée de représentations japonaises pour les fleurs, les oiseaux, le vent et la lune. C'est utilisé pour décrire la beauté de la nature. Et c'est toujours, de toute façon, très très beau les tapis de fleurs qu'on peut voir ici à Bruxelles. Exactement. Vous pourrez aussi admirer le tapis depuis le balcon de l'hôtel de ville pour avoir une vision un petit peu panoramique de la Grand Place et pouvoir avoir tout ça en grand et tout en couleur. Et puis ça se passe donc ce week-end. Et oui, ça se passe le 12, 13, 14 et 15 août 2016. Donc ce sera accessible le 12 août de 13h à 18h et les 13, 14 et 15 août de 10h à 22h. Parce que oui, il y a une petite entrée à payer pour le voir de très près. Ça coûte 5€, c'est pas très cher, donc voilà, c'est vraiment accessible. Et puis on retrouve toutes les infos évidemment sur le net. www.flowercarpet.bruxelles. Merci beaucoup Coralie, l'agenda revient évidemment demain. Vous aussi, vous avez des idées de sortie, partagez-les avec nous sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Iggy Azalea, Fun 6, c'est ce que je vous cale à 8h57 sur Fun. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. High heels, something worth a half a ticket on my wrist. Man. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You are. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name. I say, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is that my flow, that my fetish be deep departed. Swagger on super, I can't shop in no department and get my money on time. If they got money, decline. That's where I'm at. That's so much to get that line of rewind. Money decline. I just can't worry about no haters. Gotta stay on my grind. Now tell me who that, who that? They do that, do that. Put that paper over all. I thought you knew that. I be the I, G-G-Y. Put my name in ball. I've been working. I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo. How you love that? Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down nothing, slain it. Go trigger on the trigger like I'm so fancy. Coralie, une tablette 2 en 1 qu'on vous offre dans quelques secondes. On vous offre votre PC Acer One 10, ce PC convertible que vous pourrez emmener partout avec vous. Et si même vous souhaitez le gagner, envoyez PC par SMS au 6322. Bonne chance. Fun Radio. Il est 9h sur Fun Radio, la journée démarre ensemble avec le meilleur de Sun Dance Floor. Mais avant ça, en ce mercredi 10 août 2016, on fait un tour du côté de l'actu avec Florence Venlo. Salut Florence. Salut Anto, bonjour à toutes et à tous. L'ULG va connaître d'importants travaux de rénovation. Une vaste programmation d'amélioration énergétique va être mise en place. Les bâtiments les plus anciens devraient d'abord être remis en ordre. L'université de Liège rénove chaque année pour 3 millions d'euros. Leur objectif est de chauffer divers bâtiments du Sartinement. Les instituts de de physique, de chimie et de botanique représentent à eux seuls 20% de la consommation. Les rénovations devraient avoir lieu dans les prochains mois. Cette voiture et une caravane ont été incendiées dans les rues de Binges cette nuit. Les véhicules qui étaient stationnés dans la rue du Moulin ont été la proie des flammes. La police locale a ouvert une enquête pour poursuivre les auteurs. Quant à l'origine de l'incendie, ça ne fait aucun doute, il est criminel. L'auteur aurait, selon les premières constatations, bouté le feu à chaque pneu des voitures concernées. À l'étranger, les responsables politiques congolais ont été invités par l'ONU afin de trouver un consensus sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Pour le pays, il devient important de trouver des solutions avant le 20 décembre, date à laquelle Joseph Kabila ne sera plus président. Des crispations politiques ont lieu dans le pays entre l'opposition et le gouvernement en place. L'opposition soupçonne le président de manœuvrer pour demeurer en fonction, quitte à reporter la présidentielle. En sport, le rameur brugeois Obreno s'est facilement qualifié pour les demi-finales du Skif. Le Belge a remporté le troisième quart de finale avec le quatrième meilleur temps des engagés. Les demi-finales auront lieu ce jeudi. De son côté, le cavalier belge Joris Van Springel a pris la 24e place finale du concours complet d'équitation. L'homme s'est dit très heureux de cette 24e place. L'autre Belge engagé a été éliminé sur chute lors du cross-country. Une petite information insolite et toujours sportive pour clôturer ce flash. Les nageurs présents au JO ne risquent en aucun cas de se noyer. En effet, on a retrouvé le boulot le plus ennuyeux des Jeux Olympiques. Des sauveteurs sont présents autour des bassins afin de veiller sur les nageurs. Le métier serait essentiel à la compétition et pour ce faire, 75 sauveteurs sont réquisitionnés. Un métier qui peut en effet sauver des vies après une crise cardiaque ou tout autre malaise. Les sauveteurs n'ont pas encore eu grand-chose à faire à l'image de cet homme attendant sur sa chaise. Même s'ils ont tous un rêve, secourir un certain Michael Phelps. Lloyd prend le contrôle de Fun Radio dans quelques instants jusqu'à 13h avec le meilleur de son dance floor. Il a pour vous un petit soprano, Martin Solveig ou encore Unique Mercy. Juste avant, côté météo, qu'est-ce que tu nous prévois, Florence, pour cette journée de mercredi? Pas grand-chose de bien avec des averses avant le retour de quelques éclaircies tout de même. Les températures continuent leur chute. Elles seront comprises entre 12 et 18 degrés. On continue avec le son dance floor de Face et Afrojack sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Le son dance floor. See the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone. Do you think can you live like you want? I know when you're gone. You're just looking for a little sign of love. I said, hey, would you go? I say, hey, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey, I say. say, hey, would you come with me? I say, hey, hey, hey, hey, would you stay with me? I say, hey, hey, hey, hey. I say, quoi de mieux pour démarrer la journée qu'écouter Fun Radio? Vous écoutez Summer Fun encore pendant quelques petites secondes. Le temps de d'appeler l'un ou l'une d'entre vous, Corinne, dans un instant. Et d'écouter Unique et Mercy côté son dance floor. Puisque toute cette semaine, on vous offre votre tablette PC 2 en 1. On vous offre votre PC Acer One 10. C'est un ordinateur convertible que vous pouvez utiliser comme un ordinateur portable ou alors comme une tablette numérique. C'est à votre guise, à votre préférence, mais vous souhaitez la remporter, vous pouvez envoyer PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Et on appelle là l'une d'entre vous ce matin pour repartir justement avec cette tablette PC. On va l'appeler en direct. Et puis cette tablette que vous allez pouvoir aussi gagner cet après-midi entre 17h et 20h, oui, chez le duo de David Barbet et Kaufman. Le temps que ça sonne, on va essayer de faire la petite surprise ce matin. 9h08, une tablette PC 2 en 1 à offrir pour bien démarrer la journée. C'est vrai que... on t'appelle à 9h pour te faire offrir ça. Franchement, c'est pas mal. Alors attention. Oula, ça fait déjà 5 sonneries, je crois. Ça sent mauvais. Allez. Désolé, ah, mais la personne que vous avez appelée n'est pas disponible. Le principe est celui-là, malheureusement. On va laisser un message, tant pis. Hein. Tu étais sur Fun Radio ce matin pour réparer ta tablette. Malheureusement, le règlement veut celui-là. Tu n'as pas décroché au coup de téléphone, donc tu ne peux pas repartir avec ta tablette 2 en 1. J'en suis désolé, je te fais des bisous. A très bientôt sur Fun. Donc dès que vous envoyez un message, restez bien à côté de votre téléphone pour qu'on puisse vous appeler. On vous appelle en numéro masqué. Et c'est pas grave parce que cette tablette, elle sera de nouveau là demain, évidemment, Coralie a gagné. Ça nous ennuie un peu parce que on était tout contents de vous offrir cette tablette. Et puis là, ce matin, malheureusement, bah, on va devoir ne pas vous l'offrir. Mais pas de panique parce que cet après-midi, on en a encore pour vous. Exactement, entre 17h et 20h dans C'est que du Fun, vous pourrez tenter de remporter votre tablette PC. Pour ça, vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant PC par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Bonne chance. Coralie, nous on se retrouve demain dès 6h évidemment avec une nouvelle émission qui parlera... Je ne sais plus. Et bien ce sera la surprise, ce sera retrouvé demain. En tout cas, Coralie, le teasing de fou. L'émission continue dès maintenant sur les réseaux sociaux. Sur la page Facebook Summer Fun, venez nous rejoindre, venez liker la page, envoyez-nous des messages, on les lira dans l'émission de demain. Et sinon sur la Snapchat Fleurus Radio pour voir tous les coulisses de l'émission. Et puis on vous invite vendredi à venir faire de la radio avec nous. Pour ça, c'est très simple. Vous envoyez un petit message sur la page Facebook de l'émission et vous avez un petit déjeuner offert grâce à l'artisan. Et puis cet après-midi, entre 18h et 19h, vous avez la glace Fun Radio qui vous est offerte ici sur le parking de Fun. Ce sera dans C'est que du Fun également. C'est une glace Fun Radio au goût chocolat blanc. Chocolat blanc et coulis de fruits rouges. Et c'est franchement super sympa et c'est ce qu'on vous offre tous les mercredis de l'été. Alors on vous attend ici avenue Télémac 33 pour déguster cette glace Fun Radio. Toute notre équipe sera également au rendez-vous pour évidemment tester tout ça. L'œil débarque dans quelques secondes avec Soprano, Martin Solveig également. Puis quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Faites plein de bêtises mais faites-les bien. Et on se retrouve demain dès 6h. Voici Unique et Mercy sur Fun. 9h10, excellente journée à vous. À demain. Mercy, mercy, money them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Like I am, you want see, want see, want see. Only he can make me higher, higher, higher, higher. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Like I am, you want see, want see, want see. Only he can make me higher, higher, higher, higher. Fire.